Bonjour à tous et bienvenue sur comicstories.fr pour le numéro 8 du mag de Comic Stories, émission durant laquelle nous allons vous parler de toutes les news concernant les comics en VF mais aussi en VO. Nous vous proposerons également notre sélection parmi les sorties en France et aux États-Unis pour les comics de cette semaine. Et puis nous vous parlerons du comics de la semaine qui est pour une fois un comics français, Justice League aux origines, qui est ressorti chez Urban Comics en pack avec le DVD Blu-ray de son adaptation animée. Je suis Mathieu et vous allez écouter le numéro 8 du mag. Et cette semaine, avec moi, comme la semaine dernière, Elvire. Bonsoir. Et Arnaud. Salut. On va commencer avec une actu qui n'est pas une actu comics, qui est l'actu de Comic Stories purement et simplement, puisque Comic Stories arrive sur Pod Radio. Pod Radio qui est une web radio qui diffuse des podcasts donc toute la journée sur plusieurs canaux. Et donc nous serons diffusés pour la Padawan Edition sur le canal Alpha chaque mardi, donc aujourd'hui si vous écoutez le mag le jour de sa diffusion. Donc ce soir de 18h à 19h sur le canal Alpha, vous pourrez retrouver Comic Stories, la Padawan Edition. Donc voilà, rendez-vous sur Pod Radio pour écouter Comic Stories Padawan Edition. Allez, on va commencer maintenant le programme classique de l'émission avec les news en VF, et on va commencer avec le bloc Panini Comics. Et Arnaud, c'est toi qui démarres. Oui, encore des annonces Panini, parce qu'ils n'arrêtent pas ces dernières semaines. On a appris la sortie du troisième tome de Miracle Man, qui va sortir donc au mois de juin. Et donc on va retrouver une équipe de rêve, c'est-à-dire Grant Morrison, Joe Quesada, Mike Allred et Peter Milligan. Tout ça dans le troisième tome de Miracle Man, que je vous conseille, en tout cas pour les deux premiers. Voilà, donc ce tome 3, voilà, ça va être la fin du run de ce qu'ils appellent le scénariste originel, puisqu'il ne veut pas être nommé. Et puis voilà, on aura également la relance donc du personnage 20 ans après, avec donc la fameuse équipe dont tu as parlé. Mais ce n'est pas tout pour juin. Non, parce que Panini a annoncé une nouvelle série qui s'appelle Extinction Parade, qui est une guerre entre zombies et vampires. Qui est écrit par Max Brooks, à qui on doit le guide du survivant au territoire zombie, ou encore le roman World War Z, qui a donné lieu à une adaptation ciné. Ouais. Ouais, donc bah voilà pour quelques annonces donc concernant les sorties en juin chez Panini. Moi je vais vous parler maintenant de Star Wars numéro 1 qui va sortir chez Panini en mai, vous le savez, le bimestriel. Et on en a appris un peu plus grâce aux distributeurs qui ont reçu les bons de commande pour le mois de mai, pour pouvoir approvisionner leur boutique. On a appris qu'on savait qu'il y aurait des couvertures variantes pour le numéro 1 de Star Wars. Ce qu'on savait pas, c'est qu'on aurait 11 couvertures variantes pour le numéro 1 de Star Wars chez Panini. Dans ces 11 couvertures, on pourra en retrouver 10 sur le circuit classique, j'ai envie de dire, donc au prix plus ou moins raisonnable, parce que certaines vaudront plus cher que d'autres, selon leur rareté, et selon si on les trouve que en comic shop ou que en presse, ou dans les deux, enfin voilà. Et puis il y a la 11e variante cover, qui sera celle de Scotty Young, évidemment, la plus appréciée, j'imagine, des fans de couvertures variantes, donc la version Babies de Star Wars, qui est absolument magnifique. Cette 11e couverture, on ne pourra l'acheter que dans un coffret qui va regrouper les 11 couvertures. Coffret qui sera vendu 75€. Là, c'est fait mal. Voilà. Donc déjà, 11 covers, je trouve ça beaucoup. Et en plus, vendre la cover préférée, enfin voilà, la cover qui est celle qui fait le plus envie dans le coffret à 75 balles, je trouve ça un peu nul, quoi. Mais bon. C'est une stratégie commerciale comme une autre. De toute façon, les coffrets, ils vont les vendre comme des petits pains. Je ne fais aucun souci pour ça, commercialement parlant. Voilà. Maintenant, vous êtes au courant. Donc, si vous voulez ce fameux coffret, eh ben, renseignez-vous auprès de votre détaillant, parce que il va falloir le réserver, à mon avis. Je vais continuer avec les sorties annoncées par Panini pour le mois de juillet. Évidemment, un film Fantastic Four va sortir, donc Fantastic Four sera à l'honneur au mois de juillet chez Panini, avec un deluxe qui va sortir, qui sera le deuxième tome du run de Jonathan Hickman sur Fantastic Four. Et on aura également l'intégrale 1974 de la série, avec au passage un petit coucou des Avengers dans l'album, histoire de bien être sûr que ça se vende. Et puis un album anthologique, maintenant on a l'habitude de les avoir, ces petites anthologies à la sortie des films, donc on aura droit à Nous sommes les Fantastic Four, Nous sommes les 4 Fantastiques, je crois même en français, donc ils vont reprendre les récits cultes des 4 Fantastiques, de leur première apparition par Stan Lee jusqu'au run de Jonathan Hickman, donc voilà. Et puis pour être complet sur les sorties Panini, trois annonces en kiosque, Avengers hors série qui sera consacré à Avengers Undercover, donc la suite d'Avengers Arena. On aura un deuxième Marvel Saga consacré au Punisher version All New Marvel Now, qui sera publié également en juin. Et puis Marvel Universe, dans Marvel Universe, on aura droit à des épisodes qui se situent 25 ans dans le futur, parce que Marvel a eu 75 ans, et donc du coup pour fêter ça, ils se sont dit, bah tiens, on va sortir des histoires sur les 100 ans. Ok. Normal. Donc on verra Spider-Man, les 4 Fantastiques, les Gardiens de la Galaxie, Avengers et X-Men dans des histoires qui se passeront donc l'année où Marvel aura 100 ans. Donc pour découvrir un peu des versions futuristes des personnages de l'univers Marvel. Voilà pour le bloc Panini. On va commencer avec maintenant le bloc Urban d'annonces. Urban qui continue ses annonces pour juillet, août et septembre à travers sa page Facebook et qui a annoncé quelques sorties ce mois-ci. Catwoman tome 5 le 3 juillet, Preacher tome 2 et Fyrest tome 4 fin août, Garth Ennis présente Hellblazer tome 2 le 28 août et Catwoman Eternal le 18 septembre. Et puis Arnaud. Earth 2, le tome 2, le 10 juillet, et Gotham Academy, tome 1, et le cinquième tome d'Aquaman, le 11 septembre. Donc on sait déjà ce que tu vas lire dans tout ça. Ben, Aquaman, bien sûr. Voilà. Hein. Donc Earth 2 qui aura été décidément très vite puisque le tome 1 n'est encore pas sorti, là on est fin mars, ça va sortir en avril et bah tome 2 10 juillet. Pareil pour Preacher, le tome 1 est sorti il y a peu de temps, ça sort en août, enfin voilà, ils enchaînent assez vite là. On va passer maintenant que ces petites annonces sont faites à la sélection VF parmi les sorties de cette semaine et on va commencer avec toi Elvire qui nous parle de deux titres qui sortent cette semaine. Alors moi j'ai choisi de vous parler d'un titre qui sort le 25 mars, c'est Zombie, les chroniques de l'Apocalypse, c'est chez Wanga Comics. Alors en fait on est dans un monde où les zombies ont remplacé l'homme. Donc on se réveille avec un personnage qui se réveille 6 ans après une apocalypse de zombies. Et là, mais c'est pas des zombies comme on peut connaître chez The Walking Dead. C'est certains ont toujours leur conscience. C'est juste qu'ils sont zombies et qu'ils sont obligés de se nourrir de viande humaine pour pas mourir. Mais ils ont une certaine conscience, donc c'est eux qui font fonctionner le monde post-apocalypse. Et là, on est en l'an 12. De l'ère Z, donc de l'ère zombie, et on va voir le point de vue de James qui va revenir sur son histoire, et donc il va faire des chroniques en fait. C'est un journaliste qui va faire ses propres chroniques, il va revenir sur son histoire depuis l'apocalypse. D'accord. Voilà. Donc ça, voilà, c'était une autre façon de voir les zombies, des zombies avec une conscience, et c'est ça qui m'intéresse. Ouais, et puis moi aussi, il m'intéresse bien ce tome-là, de voir les zombies un peu autrement. En plus, Vanga Comics, un petit éditeur français, voilà, qui fait plutôt peu de sorties, que je connais pas forcément très bien. Voilà, j'ai bien envie d'aller me laisser tenter par la lecture de ce truc-là. Ça coûte 13 euros, je crois, ou 13 euros 50. Donc, Oui, 13,50 € il me semble. voilà, pour une centaine de pages, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Et le deuxième bouquin dont tu veux nous parler? Là, je passe chez DC avec la Flash Anthologie qui sort le 27 mars. Donc voilà, vous allez voir tous les épisodes les plus importants, bah, choisis en tout cas, du personnage Flash. Bien sûr, ses origines, les différentes personnes qui ont endossé le costume de Flash, comme Jay Garrick, Barry Allen et Wally West. Moi, j'ai choisi cette anthologie parce que j'ai l'anthologie Batman et j'ai beaucoup aimé. Ouais. Je trouve que c'est vraiment bien fait et on peut balayer tout le parcours enfin les plus grands épisodes du parcours d'un personnage. Donc en tout cas celle de Batman était vraiment bien faite, donc je pense que l'anthologie de Flash aussi. Et voilà, c'est que 25 euros pour 400 pages Ah, c'est aussi. une grosse anthologie en plus celle-ci. C'est une Ah ouais. très grosse anthologie, je pense qu'elle est plus grosse que celle de Batman, il me Oui, semble. elles font en général autour des 300 pages, mais alors là, 400 Donc là, là je. ça a l'air d'être vraiment un truc Ah très non, Batman complet 368 pages. Mais Il y voilà, a quand c'est même encore plus plus de gros. pages que Batman. C'est ça. Donc voilà. Donc je pense que comme moi j'ai bien aimé Batman et beaucoup ont bien aimé cette anthologie, ça devrait être aussi bien avec Flash. Ouais, moi, toutes les anthologies de 10 d'Urban Comics, là, toutes celles qu'ils ont fait, je les ai vraiment appréciées. Et puis, ce qui est Ah oui, intéressant, c'est Urban, qu'on. pardon, j'ai dit d'ici, Oui, bah, Urban. c'est que j'ai dit quand même. Oui. Ce qui est vraiment intéressant dans ces bouquins-là, c'est tout ce qui est entre les épisodes. Parce qu'effectivement, on nous balance les histoires. Et contrairement à ce qu'on peut faire dans la maison d'en face avec les anthologies, et ben là, entre les épisodes, on a vraiment une remise en contexte, des explications, et c'est au moins aussi intéressant que de découvrir les histoires. Donc pour les comment dire les Padawan comme je peux l'être, voilà, c'est pas juste des histoires balancées, comme l'a dit Mathieu, c'est une remise en contexte, donc c'est très bien pour ceux qui veulent connaître Flash sans forcément se lancer dans une série, ou bien prendre cette anthologie pour après se lancer dans une série. Donc Ouais, et voilà, c'est puis vraiment bien fait. même moi qui suis vraiment fan du personnage, je vais la dévorer cette anthologie et je vais apprendre encore plein de trucs, je suis sûr. Enfin, donc j'ai hâte moi aussi de. Voilà, c'est aussi une sortie que j'attends beaucoup. Arnaud, tu vas nous parler toi aussi de deux titres qui sortent le 27 mars? Oui, d'abord une suite. Donc, c'est le tome 3 de Gotham Central. Donc, la grande saga de Ed Brubaker et Greg Rucka. Donc, qui est plus ou moins à l'origine de la série Gotham, mais elle n'a rien, strictement rien à voir. C'est vraiment un récit très très intéressant. Et vraiment Ah oui, donc ça bien, n'a rien bien à voir, amené. effectivement. Forcément. Et très bien amené. Très bien construit. Et qui est un must-read pour les fans de Batman. Et l'autre sortie que j'ai trouvée intéressante, c'est le premier hors-série de Justice League Saga, qui est en fait une saga complète, hein, pour justement bah, fêter les 75 ans de Flash. Et donc en fait, c'est la série The Brave and the Bold en 6 numéros, donc un titre qui rappelle un fameux épisode De la série de Flash, Flash. Et donc en fait, c'est une série qui va retracer l'histoire de l'amitié autour de Barry Allen et Hal Jordan, le Green Lantern, hein, de leur début dans la Justice League jusqu'à Crisis on Infinite Earth, parce qu'il y a aussi un événement qui se passe à ce moment-là. Et donc il y a plein de stars comme Wally West, Green Arrow et d'autres personnages peut-être moins connus des novices. Et donc c'est l'occasion bah, de découvrir une mini-série de 6 numéros pour à bas prix pour 5,90. J'ai juste un reproche, j'en fais pas souvent hein, des reproches à Urban, mais là je suis quand même obligé de le faire. Ils ont créé un magazine il y a quelques mois qui s'appelait DC Saga Présente, qui était censé justement nous publier des histoires comme ça, un peu du passé, qui étaient en lien avec des choses qui se passent en ce moment, etc. Enfin voilà, nous faire découvrir un peu l'univers DC à travers des sagas complètes comme ça. Et là, ils nous mettent ce magazine, ce truc-là, qui est complètement dans le concept de DC Saga Présente, mais ils nous le mettent dans Justice League Saga hors série numéro 1. Donc, qu'est-ce qui est devenu DC Saga Présente? Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'on aura d'autres numéros? Enfin voilà, du coup, c'est un peu dommage d'avoir créé un magazine pour mettre ça dans un autre, en fait. Enfin bon, bref. C'était peut-être pas assez vendeur le titre, alors que là t'as la Justice League, le Oui, titre. peut-être, peut-être. À ce compte-là, qu'ils nous disent qu'ils arrêtent le magazine DC Saga Présente. De toute façon, il n'y a que deux numéros, donc. Bref, voilà, c'était juste pour la forme. Batman Saga 35, pour moi. Pourquoi Batman Saga 35? Parce que c'est la fin de Zero Year, parce que c'est le début de la série Grayson, qui prend la suite des événements de Forever Evil pour Nightwing et Dick Grayson. Donc voilà, c'est un numéro qui va contenir quand même des choses assez importantes, donc pourquoi pas. Et puis le Green Lantern Saga numéro 31, donc avec la nouvelle sous sa nouvelle formule, la formule trimestrielle maintenant chez Urban Comics. Donc le numéro 31 nous proposera une saga complète qui s'appelle Soulèvement et qui contiendra les épisodes 31 à 34 de Green Lantern et 31 à 34 de Green Lantern Corps. Donc ça veut dire 8 épisodes pour un magazine très épais hein, maintenant la nouvelle version de Green Lantern Saga c'est bah, 8 épisodes, vous comptez, c'est déjà 160 pages de comics, donc c'est un épisode, c'est un bouquin qui fera au moins 170 pages pour 6,50 €. Voilà pour la sélection VF. Pas de questions de la semaine cette semaine. On va passer directement aux news VO. Et Arnaud, tu vas nous reparler d'une variante cover dont tu nous avais parlé la semaine dernière. Oui, c'est pour les variantes cover du Joker, qui va sortir le mois prochain chez DC. C'est en juin même, je crois. C'est en juin. Ouais, il me semble. Mais voilà, je. Pas sûr. Et on avait parlé notamment de celle de Batgirl, hein, qui rappelait bah, justement les événements de Killing Joke. Et qui t'avait bien plu? Oui. Et finalement, elle va être supprimée, elle ne sortira pas. À cause d'une polémique autour du personnage. Alors, je sais plus exactement exactement la polémique, mais en gros, c'est que c'est comment les c'est à cause de des reproches qu'on a pu faire à Killing Joke sur l'utilisation du personnage dans la série, le fait de la manière dont le personnage est traité, notamment en la déshabillant et en la tirant dessus, et au final ça servait pas à grand chose, juste à impressionner et en quelque sorte déshumaniser. Et ben à cause de ces reproches là c'est enfin ces reproches là sont ressortis à cause de cette couverture, et DC a finalement préféré annuler sa sortie. Voilà. C'est l'artiste lui-même, Albuquerque, hein, qui a demandé à DC est-ce que cette variante cover finalement ne sorte pas. Oui, parce que pour lui c'était un hommage à cet immense récit qui est une joke, hein. Voilà. Et à cause de pression des fans. Et en même temps quand DC demande à un artiste de faire une variante cover Joker sur la série Batgirl, de quoi, enfin, à quoi ils s'attendent, à quoi, enfin, voilà, de quoi le dessinateur aurait pu parler dans sa cover? Autre que cet événement qui a quand même été un tournant majeur dans la vie de Batgirl. Ah oui, et même dans l'univers d'ici. Ben voilà, je, enfin, Ah, moi dans la Batfamily. je comprends pas. Mais Enfin. il me semble que c'est comment dire, cette polémique est partie des féministes, de la façon dont Batgirl était représentée, et qu'on retienne que ça en fait, et qu'on insiste sur ce point. Je pense que vous avez dû, ben, les auditeurs ont pu le comprendre. Je suis féministe et pourtant j'ai eu du mal à comprendre cette polémique. Bah, Je peux comprendre ce côté-là où on pourrait montrer Batgirl autrement, mais c'est quand même un arc important dans dans son son évolution. développement, dans son évolution, et surtout en lien avec le Joker. Le thème c'est Joker, qu'est-ce qu'on Voilà. peut aborder d'autre? Donc après j'ai pas comment dire, j'ai pas vu la cover. C'est peut-être aussi la façon dont elle est représentée, ou je Bah, sais pas, mais. elle est en fait tenue. Il y a Joker qui est dans son dos, qui la retient avec son coude là, enfin avec son bras Et puis, ouais, si, je l'ai devant. vu, elle a un regard Et apeuré. elle a un sourire de dessiné sur le visage de Joker, et elle a un Oui. regard apeuré. Voilà. Et Ah, mais je l'ai vu alors, je l'ai avec vu, son doigt, il mime un pistolet sur sa tempe. Bah oui, bah c'est le Joker et c'est Batgirl, quoi. oui. Enfin, c'est bon. Bref, on va passer. On va Et puis comme cette semaine a été bien riche en polémiques de merde, on va continuer avec Wonder Woman. Alors pourquoi on a mis ça dans cette émission alors que ça parle du cinéma? Je sais pas, mais tant pis, on va le faire. Oui, bah, on va continuer avec la polémique, même voilà, si ça n'a pas forcément sa place ici. Mais voilà, il y a Gal Gadot qui se fait attaquer sur la toile parce que sa Wonder Woman aurait des seins trop petits. Donc voilà, on continue dans les polémiques creuses. Enfin, peut-être que celle de Batgirl a un petit peu plus de sens que celle de Wonder Woman. Mais voilà, les seins disent que ça... les fans, pardon, disent que ça ne va pas avec son personnage. J'ai envie de Donc dire, voilà. Donc et désolé s'il y en a les auditeurs, j'ai envie de dire, les gros cons disent que, voilà, on va quand même, voilà, pour tenir voilà, des parce que propos pareils, il faut quand même être un sacré connard. oui, parce qu'ils définissent la femme et Wonder Woman par la taille de ses seins. Voilà, ça doit être ça son identité. Ah non, j'ai jamais lu Wonder Woman. Peut-être qu'elle se définit par ses seins. Si c'est son Pas du choix, tout. elle pourquoi pas. Mais je pense pas. Et puis pour avoir, et ça c'est une insulte, parce que pour avoir vu la cover, si vous trouvez que c'est des petits seins. Voilà, non, ce n'est pas des petits seins, c'est des seins de taille normale. Donc voilà, c'est un peu offensant pour les personnes comme moi qui ont vraiment des petits, une petite poitrine. Voilà. Ça, ce n'est pas petit, désolé, c'est normal. Voilà. Elvire a fait son boobsing out, on va dire. Voilà, mon grain, voilà. Donc voilà, non, continue. Bon, bref, on passe à la suite parce que ça, je crois que ça va m'énerver. Stuart Timonen. Alors, oui, Stuart Timonen va arriver sur Star Wars au mois de juin à la place de John Cassaday. Donc John Cassaday s'en va. Ce qui est miraculeux, c'est qu'il ait réussi à dessiner 6 épisodes de suite, ce qui est quand même pas mal. Qui était pas forcément très très beau, en plus on n'était pas hyper en forme pour l'artiste qu'il est, voilà, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup mieux. Donc c'est Stuart Timonen qui va le remplacer à partir du numéro 7, puisque le numéro à partir du numéro 8, puisque le 7e sera fait par un artiste invité qui n'a pas encore été annoncé par Marvel. Voilà. Donc Stuart Timonen, par contre, ça risque là d'être super beau. Voilà, que dire d'autre dans les news comics en VO, qu'on a assisté peut-être la semaine dernière à la mort d'une tortue ninja. Encore que, est-ce que c'est vraiment le cas? On sait pas. On vous en dira pas plus, ni sur l'identité, ni sur les circonstances. Voilà, sachez juste qu'on en a beaucoup parlé sur Internet cette semaine. de cet événement dans la série dans la série IDW. Voilà. Et puis Elvire, pour bien confirmer ce que tu disais tout à l'heure sur ton côté féministe, tu vas nous parler de deux news 100% féminines. Oui. Alors la première, ça concerne Thor. Donc vous savez tous, à moins d'avoir vécu dans une cave, que Maman Thor est, bah, c'est une femme qui a endossé le rôle de le costume de Thor. Et ça a l'air de, selon les chiffres, ça fonctionne mieux. En tout cas, ça se vend plus que le Thor masculin. Donc en gros, quand ils ont voilà, le Thor rebooté, s'est vendu à 150 000 copies en gros. Et le Thor masculin à 65 000 Voilà. Disons que donc en gros voilà. en général, ce qui se passe Mais avec les bon. comics, c'est souvent renuméroté au numéro 1, et en général, un nouveau volume vendra moins que le volume précédent. Plus il y a de relaunch, moins la série va se vendre à la longue. Et quand on compare le numéro 5 de la dernière version de Thor homme et le numéro 5 de la dernière version de Thor femme, et qu'on fait pareil avec le numéro 4, 3, machin, etc., à chaque fois, effectivement, la Thor femme a vendu plus que le dernier arc, le dernier volume de Thor. Bon, écoutez, tant mieux, hein, surtout que l'histoire est plutôt intéressante, donc très bien. Et on continue avec les filles. Allez, vas-y, Elvia. Alors, vous avez su ici ou peut-être ailleurs qu'en mai, il y aura un nouveau magazine, une nouvelle série 100% féminine de A-Force qui va sortir. Elle est d'ailleurs disponible en précommande. Mais là, on sait en plus qu'en septembre, il y aura une nouvelle série, c'est The A-Force Present, qui va regrouper tous les numéros 1 comment dire, des héroïnes qui seront présentes dans la série de A-Force. Donc on aura le numéro 1 de Miss Marvel, le numéro 1 de Thor, et donc je suppose que c'est qu'ils vont continuer comme ça. Il y aura aussi She-Hulk, Black Widow et Squirrel Girl. Enfin, Ouais, voilà, c'est donc ils vont ressortir les numéros 1 les premières apparitions de des ces héroïnes. personnages là. Donc c'est plutôt sympa de faire une petite anthologie comme ça. Pourquoi pas? Ça peut marcher. Moi, je vais vous parler maintenant de The Infinite Loop. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines quand je vous avais annoncé la couverture variante de Tim Sale pour le numéro 1. Et je vous avais dit à l'époque qu'Elsa Chartier avait dit qu'il y aurait encore un grand artiste qui n'était pas annoncé et qui avait accepté de faire une couverture variante pour sa série. Maintenant, on sait qui c'est. Ce sera pour le numéro 3 de Infinite Loop chez IDW. Et c'est ni plus ni moins que Monsieur Charlie Walking Dead Adlard. Voilà, donc le dessinateur de Walking Dead, Charlie Adlard, va faire une variante cover pour Infinite Loop et Elsa Chartier. Donc, bah, très très bonne nouvelle pour cette série d'origine française. Allez, on va continuer avec la sélection VO parmi toutes les sorties de cette semaine, j'ai même envie de dire de demain, mercredi 25 mars. Demain, vous aurez droit au numéro 40 de Batman and Robin, avec toujours cette relation entre Batman et Robin avec bah, le Robin nouvelle version, j'ai envie de dire, et l'impact de son arrivée dans le monde de Batman. Toujours, voilà, toujours très bon, Peter Thomasy, toujours, ça ne change pas. Donc, un numéro évidemment que je vais lire avec plaisir, tout comme Suiciders numéro 2, même si j'avais trouvé le numéro 1 voilà, un peu décevant dans le sens où. Je suis un peu resté sur ma faim avec le numéro 1. J'attends vraiment du numéro 2 de Suiciders par Libermero que ça m'accroche vraiment définitivement pour la série. Pour le moment, c'est encore pas le cas. Je vous signale également que Walking Dead numéro 139 sort demain, ainsi que Witches numéro 5. Et toi, Arnaud, tu vas nous parler d'un titre que tu as repéré. C'est l'avant-dernier numéro de Multiversity, donc la série de Grant Morrison, qui va bientôt se terminer. Et donc dans ce nouveau numéro qui s'appelle tout simplement Ultra Comics, donc si vous avez lu au moins le premier, vous savez que c'est de ce comics que tout part, hein, ce comics dans la série qui s'appelle Ultra Comics, que tout part. Et justement, cet avant-dernier numéro va se passer sur la Terre 33, qui est en fait la Terre 33, c'est notre Terre. C'est la Terre, non pas sur laquelle vivent les super-héros qu'on lit, mais la Terre où nous, êtres humains de cette Terre, qui aimons les comics, vivent. Et donc, l'histoire va se placer chez nous, avec ce comics d'où toute l'aventure est partie. Donc, d'où tout est parti, Ultra Comics. Ok. Donc bah on va la boucle est presque bouclée. Alors ça y est, il ne manquera plus qu'un numéro pour terminer cet incroyable projet qu'est Multiversity de Grant Morrison. Elvire? Alors moi j'ai choisi de vous parler de Drifter, enfin pas de vous parler, de choisir ça parce que je suis en train de lire Drifter, le numéro 1 est disponible et il va sortir chez Glénat courant avril et je suis en train de lire le numéro 1. Donc c'est pour ça que voilà dans ce qui sort maintenant c'est le numéro 5 parce que j'ai choisi, mais je veux pas en dire trop parce que je veux pas me spoiler moi-même en fait. C'est ça, ouais. En tout cas, Mais voilà, vu t'as l'air d'accrocher au début de la série et du coup, voilà, tu... vu que j'aime bien, donc Ok. voilà. Si vous voulez découvrir en VO, il y a les quatre premiers. Vous savez que le 5 sort maintenant. En VF, vous pouvez attendre que ça sorte chez Glénat. Voilà, et bah tu me donnes une occasion, tiens, de vous dire que la semaine du 15 avril, donc la sortie des titres Glénat Comics, sera une semaine un peu spéciale sur Comic Stories, puisque nos testeurs vous proposeront leur test des quatre séries Glénat Comics. Donc Fairy Quest, Drifter, Lazarus, et j'en ai oublié un, Sex Criminals évidemment. Voilà, donc les quatre séries qui sortent chez Glénat Comics au mois d'avril seront testées par nos testeurs. Et vous aurez droit à leur avis durant toute la semaine du 15 avril. Donc. On va passer maintenant à la section VO des TPB. Évidemment, moi je ne pouvais vous parler que de Big Hard Sex Criminals, qui est tout simplement le premier hardcover de Sex Criminals qui va sortir, je viens de vous le dire, chez Glénat en français. Donc c'est un gros hardcover qui contient les 10 premiers numéros de la série avec une couverture dans un ton de rose incroyable. Voilà, ça a l'air d'être un très très bel objet. Si vous êtes trop impatient pour attendre la version française, et ben allez-y, voilà, c'est Sex Criminals, c'est que du bon pour moi, donc n'hésitez pas. Et puis je vais vous signaler également les sorties des deux premiers recueils des nouvelles versions des séries Doctor Who chez Titans Comics, qui sont Doctor Who ou le 11e Docteur et le 10e Docteur, qui sortiront leur premier volume chacun en hardcover pour une vingtaine de dollars à chaque fois. Et toi, Edvire? Donc moi j'ai choisi ce qui m'intéressait en tout cas, c'est She-Hulk. Donc là c'est le volume 2. Moi voilà, j'ai pas encore lu le volume 1, mais c'est vraiment une série que je veux suivre. Et donc voilà. Donc comme il y a le volume 2 qui sort maintenant, je vais faire un achat groupé et puis Voilà, pouvoir découvrir pour mieux ce découvrir. personnage. Tu l'as découvert, toi, dans Civil War, c'est ça? Voilà. Ok. Et puis Arnaud, toi, tu as retenu. Letter 44. Là, c'est le tome 2 qui sort en VO, alors que le premier tome va sortir en juin chez Glénat. Donc, alors j'ai pas trop lu parce que je vais garder la surprise, mais ça traite en fait du président des États-Unis qui découvre que les États-Unis ont envoyé une sonde pour détecter la possible présence d'extraterrestres, et c'est ce qui arrive. Et donc ça c'est le tome 1 et le tome 2 poursuit dans cette lignée-là. Voilà. Donc ouais, moi j'en ai lu un peu plus que toi, mais je ne vais rien dire. Sachez juste que c'est très très très sympa. Allez, on va passer maintenant que cette sélection est faite rapidement aux comics de la semaine, en quelques minutes, puisque c'est quelque chose qui est sorti déjà il y a quelques années, qui était déjà sorti chez Urban en kiosque, puis qui a été réédité, et qui est ressorti vendredi en librairie pour 20 € avec le Blu-ray et le DVD de l'adaptation animée. On va bien sûr vous parler de Justice League volume 1 intitulé Aux origines. Et Elvire, toi, tu as acheté ce bundle avec l'adaptation animée et donc tu as lu le tome 1 de Justice League et tu voulais nous en parler. Alors, c'est pas tout à fait correct. J'ai bien acheté le tome 1 de Justice League, mais dans mon comic bookstore, ils ont refusé de commander la nouvelle réédition d'Urban parce qu'ils, pour eux, ils trouvaient que c'était faire dépenser les fans pour rien. Parce que juste ressortir comment dire, un comics avec juste un DVD pour eux, bah voilà, ils sont pas dans ce genre de pratique, donc j'ai bien acheté le tome, mais sans le, D'accord. Ce qui est sans un peu moche parce que le, du coup, le tome tout seul coûte 15 €. Le oui. DVD Blu-ray, le coffret coûte aussi 15 € et le pack est vendu à 20 €. Voilà, mais bon, eux, c'était leur choix, Ok. donc voilà, donc je peux pas parler du DVD parce Bon, que c'est pas bah grave ça, c'était surtout pour le comics. j'ai acheté que le comics. Donc oui, j'ai voulu acheter déjà parce que c'est un, je n'ai jamais, j'avais jamais lu la Justice League, donc là c'était un numéro 1 et en plus aux origines, Alors ça criait là, tu n'en achète-moi pouvais plus, voilà, c'est Elvire, ça. voilà, ça criait mon nom et je n'ai pas été déçue parce que voilà, il y a le seul, bah, je l'ai. C'est tous de nom. Donc voilà, dans celui-là, on peut voir donc il y a forcément Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Aquaman et The Flash. Flash aussi. Et The Eh oui, Flash. n'oublie pas Barry Allen, s'il te plaît. Voilà. Et donc moi j'avais lu que du Batman en fait. Les autres je les connaissais de nom, donc ça m'a permis aussi de les découvrir. Et donc voilà, on voit comment ils se sont formés. Et je trouve ça assez intéressant parce que comment dire, contrairement, arrêtez-moi si je me trompe, mais contrairement aux Avengers, c'est pas forcément une idée de la justice et qu'il faut sauver le monde qui les a réunis à la base. Oui, c'est un peu plutôt par la force des choses, quoi. C'est plutôt la force des choses. Ils n'ont pas vraiment envie de travailler ensemble, mais après ils trouvent un point commun. Mais c'est pas une agence comme le Shield qui les comment dire, qui les réunit. C'est eux qui se réunissent parce qu'ils sont traqués par les autorités. On comprend pas exactement encore que ce concept de super-héros et de surhomme pour la police, c'est des comment dire, des ovnis un peu. Et donc ils se rassemblent, mais par nécessité, par protection, parce qu'il faut survivre. Et au final, ils se disent autant survivre ensemble qu'être chacun dans son coin et ne pas réussir. Donc c'est ça qui me plaît plus que Marvel, qui peut avoir un côté plus patriotique que j'ai pas retrouvé dans Justice League. D'accord. Sinon, que dire? Je sais pas quoi dire d'autre, à part que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, D'accord. Arnaud, tu l'avais lu, toi? C'est l'histoire avec Darkseid. Oui, c'est ça. Ah oui, parce que là, je comprenais pas ce que tu racontais, qu'ils sont Bah, ils traqués, sont quand même qu'ils traqués sont... par les autorités, Ah, tout au effectivement. début, oui, parce qu'ils sont Oui, chacun dans avec leur Batman, coin. avec Oui, les hélicoptères, tout ça, oui. machin, voilà. Mais Ils ça, sont quand même, c'est mis au second plan, ça, parce que tout de suite après, ils doivent s'unir pour contrer Darkseid. Et c'est vraiment juste ça, le fait de s'unir, qu'ils vont, et de sauver le monde, qui vont les faire être acceptés par les autorités, par les habitants, et qui vont les forcer, en quelque sorte, à se dire, bah, on a besoin d'un groupe, justement, pour, bah, contrer des forces que les autorités peuvent pas combattre. Et c'est vraiment à la fin du tome que tu découvres que la Justice League s'est formée. Et moi, j'ai beaucoup aimé, c'est aussi au début, c'est la situation de départ, hein, le fait que savent que chacun existe, plus ou moins, mais qu'ils se fassent pas forcément confiance. On voit par exemple Batman qui sait pas exactement qui est Superman, ce qu'il veut vraiment, s'il veut protéger les gens ou s'il pourrait faire le mal, puisque avec ses pouvoirs il pourrait faire beaucoup de dégâts. Et donc voilà, il va le confronter, ça chauffe un peu entre les deux. Et j'ai beaucoup aimé cette situation de départ où tout n'est pas joyeux, tout le monde est gentil et va sauver le monde. C'est qu'au départ, ils savent pas justement, c'est une nouvelle situation à la fois pour les autorités qui savent pas comment les prendre, mais aussi pour eux-mêmes qui savent pas qui est gentil, qui a d'autres intentions, etc. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Bah, moi, je rejoins Arnaud et toi aussi, Elvire. J'avais bien aimé cet arc à l'époque. Voilà, c'était un bon moyen pour les newbies de découvrir la Justice League et d'avoir une nouvelle version de leur formation. Voilà. Pourquoi pas. Après, quand on connaît la Justice League, effectivement, clairement, ça fait un peu redite et c'est pas forcément quelque chose qu'on appréciera. Mais en tout cas, pour une introduction à l'équipe, c'est très efficace et ça marche bien. C'est du Geoff Jones au scénario et Jim Lee au dessin, qui était quand même plutôt en forme. Donc, visuellement, en tout cas, moi j'avais trouvé ça plutôt très très chouette. Donc, on aura un bon premier tome pour ceux qui ont envie de découvrir la Justice League. Ouais, clairement, ouais, quelque chose à acheter, ouais. Voilà. Pour revenir sur le dessin, c'est très bizarre de voir Batman. Bien dessiné? Non, Non. Oh, non, non, Non, non. parce que Capullo dessine Mais très voilà, moi bien je Batman. connais surtout le Batman de De Scott Capullo, Snyder. ouais, enfin, ouais, Snyder et Et de Capullo. Capullo. Donc, Et du là, coup. il est assez différent. Oui. Je dirais pas mieux ou moins bien, mais différent. Et Différent. ça peut. Il est différent. Voilà. C'est également dans ce tome où Batman va enlever son masque. Voilà, Oui. et se balader dans la ville comme ça, sans son masque. Bye bye, Fou. Il identité est... Mais secrète. c'est pas sa ville, donc il est pas Oui, connu. mais bon, voilà, c'est quand même un truc qui m'avait profondément agacé quand c'était sorti. Voilà, je me rappelle évidemment de ce passage maintenant, où il enlève son masque, tranquille, tout le Me monde peut voir souviens son pas. visage. Bon, Si, si, c'est. c'était vers la toute fin du tome, épisode 5, un truc comme ça. Voilà. Bon bah voilà, hein, Justice League aux origines, donc bah allez-y si vous ne le connaissiez pas. En plus vous avez le pack avec l'adaptation animée pour 20 euros, donc bah, ne vous gênez pas. Voilà pour cette émission. Les prochains rendez-vous maintenant, bah, d'abord ce soir, on vous le rappelle, sur Pod Radio pour la Padawan édition. Jeudi on se retrouve pour les émissions inédites, donc jeudi sur nos écrans numéro 8 avec l'actu ciné, télé et le débrief de la semaine. Un débrief musclé de Powers. Ce week-end, la Padawan édition numéro 8 sera consacrée à Saga, la grande série de Brian Kevogan et Fiona Staples. Et puis, on se donne rendez-vous pour le mag mardi prochain. Ce sera le numéro 9. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Salut. Salut.